émission proposée par la LSH Gros Loisirs d'Amboise. Bonjour, je m'appelle Marius, je suis à Gros Loisirs et j'aime la danse. Bonjour, je m'appelle Angélie et j'ai la Croco Loco. Bonjour, je m'appelle Lali, j'habite à Amboise, j'aime danser. Bonjour, je m'appelle Serena, j'habite à Amboise et j'aime bien la gym. Bonjour, je m'appelle Laura, j'habite à Amboise et j'aime la natation. Bonjour, je m'appelle Emma, j'habite à Chargé et j'aime bien les chats. Je m'appelle Aaron et j'habite à Amboise. Mon animal préféré, c'est le lion et j'aime bien le burger. Et maintenant sur Croco Radio, les bulletins météo. Alors Marcus, quel temps va-t-il faire la semaine prochaine? Eh bien Serena, lundi prochain, il va pleuvoir des cordes, mais des vrais, à sauter. Et alors Laura, mardi, il fera quel temps? Il pleuvra des chats. Et pour mercredi, Angélie? Il aura les soleils, enfin les dinosaures. Emma, pour jeudi? Pour jeudi, des glaces à l'eau pousseront sur l'herbe. Dis-moi Lali, quel temps il fera vendredi? Le temps va changer vendredi, il pleura de la barbe à papa. Maintenant Aaron, dis-nous la météo du week-end. Tout week-end, il y aura des arcs-en-ciel malabar et des arcs-en-ciel bracelets. Et maintenant sur Croco Radio, on écoute Games avec Ciel. Ciel, ciel, ciel, ciel, ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. C'est pour de faux, t'as envie de changer le cours des choses. T'as suivi ton âme au fin fond de la fosse. Aujourd'hui, t'as vu ton plus grand défaut. C'est-à-dire que la vie n'est pas comme tu crois. Ça veut dire que tout n'est qu'une question de choix. C'est fini, mais je garde les plus belles images. Va leur dire que c'était une belle histoire. Ciel, tu m'avais pas dit. C'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel. Oui. Tu me suis partout. Y'a plus rien à faire, vu les bouts de verre. Hanté par les doutes et la peur de te faire. Tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel. Croco Radio, la radio des locaux. Vous êtes toujours sur Croco Radio? C'était Gims. Je m'appelle Younes, j'habite en Amboise et j'aime le foot. Je m'appelle Raphaël, je suis au centre de loisirs, j'aime le foot, j'aime les voitures de course. Je m'appelle Malo, j'habite à Amboise et ma couleur préférée c'est le rouge. Je m'appelle Elias, j'habite en Amboise, mon centre c'est Croque Loisirs, mon école c'est Georges Sand. Ma couleur préférée c'est le vert, le orange et le gris. Et ce que j'aime bien c'est les voitures et le basket. Je m'appelle Alia, j'ai 8 ans, j'habite à Nazelles-Négron et j'aime les chiens. Je m'appelle Marcus, j'habite à Amboise. Ma couleur préférée c'est l'argenté. Je m'appelle Louis, j'adore épeler les lettres et j'habite à Lussault. Et maintenant, flash info spécial. Elias, que s'est-il passé cette nuit ? Eh bien, Alia, une œuvre a été volée. Une œuvre a été volée ? Où ça ? Eh bien, Marcus, l'œuvre a été volée au château de Fougères. D'accord, Malo. Mais quelle est cette œuvre ? Tu sais, Raphaël ? Oui, Louis, c'est un igloo fabriqué en poils de mouton. Et toi, Younes, t'as encore des informations ? Oui, Raphaël, le vol s'est déroulé pendant la nuit, mais on n'a aucune trace du voleur ni indice. Il faut qu'on enquête ! La suite au prochain flash. En attendant, on va écouter Bombaya de Blackpink. Blackpink in your area. Blackpink in your area. Being a bad girl, I know I am. And I'm so hot, I need a fan. I don't want a boy, I need a man. Click, clap, bada bing, bada boom. When it bop, chime in, go deny, bada boom. Could you ask her? No, you got it, oh. When the numbers are the cold, pick up, pang, pang, pang. Pang, pang, bada, bada, pang, pang, pang. She can never be a trick, better, dun, dun, dun. Hands up. Ness on the bottle full of honey, nigga, my love, my just don't get a naya. Jenny. retour sur Croco Radio. C'était Blackpink Papaya. Bonjour, moi c'est Capucine, j'habite en Amboise et j'adore le hand. Bonjour, moi c'est Yanis, j'habite en Amboise et j'aime bien la course. Bonjour, moi c'est Manoa, j'habite à Chenonceau et j'aime bien le théâtre. Je m'appelle Maxime, j'habite en Amboise, ma couleur préférée c'est le rouge, j'aime le foot, le basket, le tennis, le sport, mes parents et mes grands-parents et moi. Et les animateurs de le centre. Je m'appelle Tiffaine, j'habite à Amboise et j'aime bien l'acrobranche. Je m'appelle Louis, j'habite à Amboise et j'aime bien le foot. Je m'appelle Mila, j'habite à Amboise et j'aime bien la gym. Et maintenant, on accueille une invitée spéciale. Mais qui est-ce ? C'est notre animatrice. Insaf. Bonjour Insaf. Salut les loulous. On a plein de questions à te poser. C'est qui ton amoureux ? Eh bah figure-toi Maxime, j'ai pas d'amoureux. Quelle est ton activité préférée ? Bah Mila, j'aime faire beaucoup de choses, notamment dessiner, faire du skate. Je fais énormément d'activités, donc c'est très difficile pour moi de choisir une activité préférée. Ok, merci. Quelle est ton origine ? Bah Yanis, moi je suis d'origine marocaine, c'est-à-dire que mes parents sont du Maroc et moi aussi du coup. D'accord. Quel est ton animal préféré ? Mon animal préféré, je dirais que c'est le chat et le chien. Et toi Capucine ? Le chien. Quelle est ta musique préférée ? Encore une fois Tiffaine, j'ai beaucoup de musiques préférées, mais je dirais Love 911 de Rise. Ah, on connaît pas. On connaît pas. Quel est ton pays de naissance ? Louis, moi je suis née en Italie. Ah, ok. Une dernière question. Quel est ton travail ? Alors, moi je suis animatrice, mais je suis étudiante. C'est-à-dire que l'animation, c'est juste un travail d'été. D'accord. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci ! Merci de votre accueil, les loulous. Et on écoute quoi maintenant, Louis ? Calogero face à la mer. On ne choisit ni son origine, ni sa couleur de peau. Comme on rêve d'une vie de château quand on vit une ghetto. Naître les taux autour du cou comme Cosette pour Hugo. Est en treillis de conflit et prier le très haut. Fils du CO, NGO, cette NGO. M-I-C-R-O, j'ai le poids des mots. Sortir d'en bas, rêver, déchirer ce tableau. Fait d'armes, de larmes, fait de sang et sanglots. Face à la mer, j'aurais dû grandir. Face contre terre, j'aurais pu mourir. Je me relève, je prends mon dernier rêve. Tous deux la même balle et tous deux déçus. Je prends mon dernier rêve. La sécheresse sur une terre où on ne cesse de semer. Tristesse dans des yeux qui ne peuvent pleurer. J'ai beaucoup de rêves lointains, je me suis tant rebellé. J'ai bu beaucoup de baratin et ça m'a trop saoulé. Dans la vie, y'a des tapes au fond et des tapes à côté. Des tapes à un euro ou la tape à l'arraché. Y'a l'état, les RMistes, les tacas t'as fait. Si t'es en bas, faut cravacher, t'as qu'à pas lâcher. T'as pas connu ça toi, l'envie d'empocher des patates. Être à gauche, droite, face à la mer, loin des galères. T'as pas connu ça, l'envie de t'en sortir, distribuer des patates. Des gauches, droites, avec un air particulaire. Face à la mer. S'étouffe dans le goudron, cette matière grise dont le pays n'a pas fait acquisition. On se relève, on part à fond, on vise le Panthéon. J'en place une à ceux qui en ont, qui rêvent consécration. La dalle, la niaque, je l'ai comme mes potes longs. On veut toucher le ciel étoilé sans baiser le pantalon. Trop peu de bonnes fées et trop de cendrillons. Calopes Passy 2004, action. Face à la mer, ouais. J'aurais vu grandir. Face contre terre, ouais. J'aurais pu mourir. Je me relève, je prends mon dernier rêve. Depuis la même date, on est tous deux déçus. Je prends mon dernier rêve. Depuis de la même date, on vise tous deux au-dessus. Sa couleur de peau, comme on rêve d'une vie château, quand on tire des taux, lève les taux autour du cou, comme Cosette pour go, est en prix, dans le conflit et prier très haut. CCO, NGO, cette NGO, MJCRO, j'ai quoi les mots. Face à la mer, on veut tous grandir. Calo, pas si, trop jeune pour mourir. Croco Radio! Nous sommes toujours sur Croco Radio. Aujourd'hui, nous allons vous parler de tout ce qu'on a fait cette semaine. Lundi, nous avons fait des jeux de présentation. Nous avons fait un Lucky Luke, une pyramide. On a commencé à faire nos cahiers d'enquêteurs. Mardi matin, on a fait des grands jeux. Un poule renard vipère et une balle aux prisonniers avec les 7 ans. Mardi, l'après-midi, moi, j'ai visité les châteaux. Dans la salle de motricité, ce matin, nous avons joué aux trois petits cochons. Au repas, on a mangé boulettes, haricots et au dessert, on a mangé crème anglaise avec une île flottante. C'était délicieux. Lali en a pris 4 fois. Et là, ce que nous sommes en train de faire, c'est parler dans la radio. Quel est ton jeu préféré ? Cache-cache. Alors Serena, à ton avis, demain matin, qu'est-ce qu'on va faire ? On va avancer sur l'enquête, Marcus. Mais quelle enquête ? Hier, pendant la nuit, au château de Fougères, il y a une œuvre qui a disparu. Et c'était quelle œuvre ? L'igloo. Qu'est-ce que t'aimerais bien faire dans la journée ? J'aimerais aller à la piscine. Tous les jours ? Oui. Alors Aria, ça s'est passé comment l'enregistrement du Flash Info ? Très bien, j'ai bien aimé. Pour toi, qui a volé l'œuvre ? Le monsieur qui était avec nous. Où penses-tu, Marcus, où il est caché, le voleur ? Je n'en sais rien. Une enquête a été lancée. On cherche des indices et on va bientôt en trouver. Alia, est-ce que tu as aimé ta journée aujourd'hui au centre de loisirs ? Est-ce que tu as aimé l'activité à la radio ? Oui, j'ai adoré. Et pourquoi ? Parce que j'aime bien le fait quand on parle dans le micro ou qu'on entend les autres parler. C'était la première fois ? Oui. Et toi, Marcus, alors est-ce que tu as aimé ? Oui. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce qu'on a fait ? C'est qu'on est des enquêteurs et qu'on va passer à la télé. On va pas passer à la télé, on va passer à la radio. Mais on va entendre vos petites voix. Oui. T'es contente, toi, d'être passée à la radio ? Oui. Et alors toi, Raphaël, est-ce que t'as aimé ce qu'on a fait ? Ouais, j'ai jamais fait de parler dans un micro. Et pour une première fois, c'était bien ou pas ? Oui. C'était stressant ? Non. Non, ça va. Et toi, Mr. Younes ? Moi, j'ai bien aimé parce que j'ai bien parlé. Et moi aussi, je tâte à chercher le coupable. Marcus, est-ce que tu as bien aimé ta journée et l'activité qu'on a fait à la radio ? Oui, j'ai adoré ce qu'on avait fait à la radio. C'était hors du commun, je l'avais jamais fait. Est-ce que vous avez envie de faire de la radio comme métier plus tard ? Faire comme Marlène ? Oui. Oui. Et toi, Raphaël ? Non ! Et toi, Alia ? Oui, moi aussi. Et toi, Younes ? Non, je veux faire un autre travail comme gendarme. Et toi, Raphaël, tu veux faire quoi comme travail ? Conduire des Ferrari. Pilote ? Et aussi une Lamborghini. Tu veux être pilote de F1 ? Ouais. Et toi, Marcus, tu veux faire quoi plus tard ? Être chanteur, un peu comme Michael Jackson, quoi. Ok. Ou être cuisinier. T'as plusieurs idées. Et toi, Alia, tu veux faire quoi plus tard ? Est-ce que t'as une idée ? Je sais pas. Au début, je voulais être... Quand on soigne des animaux... Vétérinaire ? Oui, mais après, je me suis dit, on voit le sang, et après, c'est... Vous avez encore le temps de choisir le métier que vous allez faire. Croco-Radio ! Une émission proposée par l'ALSH Croque Loisirs d'Amboise.